Jeudi 29 mai 2014. Cela soit dit en passant, je découvre l'écriture contemporaine de quelqu'un qui a signé un livre. Argument Dieu.com avec le nom d'Air Serpent. Je le lis en même temps qu'Aleister Crowley, The Book of Lies et Spinoza, Éthique. Comme s'il en était de même dans les trois livres. Il y a une phrase qui m'a décidé à le lire comme l'appel d'une pulsion. L'être a déjà renoncé à sa stricte définition au profit des choses, des sombres, de la multitude de créatures qui existent. Mais ce renoncement nous apparaît. Si je peux citer la phrase comme je l'aperçois, non pas syntactiquement ou grammaticalement, mais grammaticalement inconsciente. L'essentialisme télescopique de cette lecture vient lourd de ces trouvailles quelque peu hallucinées, m'encourage à l'aveu sur mon journal. Je ne sais même pas si la réalité va permettre que j'élabore ces trouvailles, donc autant parler directement au moment présent. Conjure encore Shelley le mieux qu'il peut les fantasmes de la femme de pouvoir. En est-il pour cela que sa sorcière de l'Atlas a déplu à sa femme, Mary, tel un miroir peu flatteur? Mirard non pas peu flatteur, mais trop parlant, et autre parce que parlant, il faudrait dire. Sinon, il est bien différent de considérer l'émancipation et le travail féminin que le pouvoir érotique